Le frère du tsar. Conte. Un tsar se promenait dans la rue. Un mendiant l'accosta en lui demandant l'aumône. Le tsar ne lui donna rien. Tsar, lui dit alors le mendiant, tu as sans doute oublié que Dieu est notre père à tous. Nous sommes tous frères et nous devons tout partager. À ces mots, le tsar s'arrêta. Tu dis la vérité, s'écria-t-il. Nous sommes frères. Et il faut que nous partagions. » Il lui donna une pièce d'or. Le pauvre prit la pièce d'or et dit « Tu me donnes bien peu, est-ce ainsi que l'on partage entre frères ? Il faut partager d'une façon plus égale. Tu possèdes plus d'un million de pièces, et tu ne m'en as donné qu'une. »« C'est vrai, dit le tsar, j'ai plus d'un million de pièces, et je ne t'ai donné qu'une, mais j'ai autant de frères que d'argent. »